Voie 20, que le train laisse sa destination de Nivelles de 9h arrivera dans quelques instants. Voie 20. Spurt wichtig, der Westtrainer der Bande hier kommt zu Tage, ganz gut wichtig. Voie 9, changement de voie, le train P à destination de Scarbeck de 9h partira de la voie 10, voie 10 au lieu de 9 même quai. Spurningen, Spurwerandering, P-Trainer, Scarbeck, Vandegenium, Sanderfrequenz, Spurtin, Spurtin, Bad Vandegen, Serpent, Perron. Le train P à destination de Scarbeck de 9h arrive, voie 10 sur le 2-9. Spurtin, P-Trainer, Scarbeck, Vandegenium, Comptant, Spurtin, Spurtin, Platz, Vandegen. Voie 18 se trouve le train S à destination de Halbrunn, le compte de 9h03, voie 18 au lieu de 16. Spurtin, bewegt sich der S-Trainer, Hallerans, Kabelmarkel, Vandegenium, 3, Spurtin, Platz, Vandegen. Sa destination de Malbrenn, le compte de 9h03, voie 18 au lieu de 16, Spurtin, Estrella, Hallerans, Kabelmarkel, Vandegenium, 3, Spurtin, Platz, Vandegenium.